Bonjour. Votre prénom, c'est quoi ? Florence. Florence, pourquoi est-ce que Pôle emploi Normandie se joint à la lutte contre les retraites aujourd'hui ? Pour la même raison que les autres, c'est que la retraite à points, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour ne pas savoir aujourd'hui combien on va être payé demain, quand on aura ou 62 ou 64 ou 66. Et on est toujours, toujours d'accord pour la répartition des richesses. Et il ne faut pas oublier qu'un travailleur aujourd'hui, il produit 4 fois plus de richesses que dans les années 70. Alors effectivement, on sera 4 fois plus de retraités, mais on produit aussi 4 fois plus de richesses. Et je suppose qu'à Pôle emploi, vous avez d'autres motifs d'être dans la rue que la réforme des retraites aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, j'ai que celui-là. Je ne mélange pas avec les problématiques aussi d'emploi à Pôle emploi, le défectif qui diminue, malgré les postes qu'on nous a rajoutés il y a très peu de temps, les fameux 1000 postes, mais je ne mélange pas les deux. Là, je suis vraiment pour la retraite et pas forcément pour les postes à Pôle emploi. Merci, bonne manif. Merci.